dans la zone 89. C'est fou. We'll be right back. Et voici celui qui se cherche des excuses et se retrouve à s'excuser. Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show et Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 1er février du 30 janvier 2017, oui, comme toujours, c'est moi, Mathieu Plante, qui est là. Mais par contre, contrairement à habituellement, on n'aura pas de chronique comme Television, on n'aura pas Merci Science, on n'aura pas le segment Geek CX parce qu'on fait une petite émission spéciale musicale aujourd'hui pour faire changement. C'est le fun d'entendre de la musique à demande spéciale générale de toute la communauté universitaire qui demande plus de musique qui est vraiment beaucoup trop stressante pour les heures de bureau. Je vais vous présenter tout ça pendant les deux prochaines heures. On va débuter l'émission avec la pièce Defense Mechanism Wow par Defense Mech sur defensemechanism.bandcamp.com. On va continuer ça avec un bloc tout de suite de trois pièces qui commence avec Gameputer Brian 3, un habitué de l'émission, avec sa pièce Complimentary Blue Orange au Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89 FM. La musique super chill de Royal Space Force Echo Modulations. Ça date de 2000, cette pièce-là. Avant, on a entendu Nocturnal Affair Title par Noé Mike. C'est la chanson thème de BL. Donc, c'est un roman visuel. Nocturnal Affair est son titre, écrit et compilé pour, sur des cartes son Adlib en utilisant PMDIBM. Et avant ça, on a entendu Club Complimentary Blue Orange par Gameputer Brian 3. Toujours au Mathieu Plancho, spécial Chiptune. Plus tard, vu que vous êtes super gentils et nombreux à le demander, ça va être la suite de notre compilation, la deuxième partie en fait de Smooth McGroove Remixed, donc 2. On va entendre les premières pièces de cet album-là et on va suivre ça pendant les prochains mois. Donc, pour continuer, avant ça, on écoute Mike, voici Out of Time Castlevania Remix au Mathieu Plancho. We'll be right back. www.mathieuplante.ca 89.1. Ce mix me fait triper, c'était Graham Craft avec Aquatic Ambiance de Donkey Kong Country, une étape sonore de jeux vidéo les plus mémorables de tous les temps, bien sûr. Donc c'est sur la trame du jeu, mais c'est aussi sur l'étiquette Game Chops. Voilà qu'on a entendu ça. Avant ça, on a entendu de la musique chiptune fusion rock Tony Denza par Temp Sound Solutions et Alex Maurer. Avant ça, c'était Maika avec Out of Time Castlevania Remix, donc un remix du jeu vidéo en version Dance House EDM de la pièce Out of Time sur la trame sonore de Castlevania, composée à l'origine par Konami Kukeka Club pour le jeu de NES Castlevania. Voilà. Wow, gros bloc quand même de trois pièces, on aime ça, c'est cool. C'est un spécial chiptunes Mathieu Planchot. On écoute que de la musique de jeux vidéo encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Plus tard dans l'émission, on aura la deuxième partie, le deuxième album Smooth My Groove Remixed. On va entendre ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant on continue avec un autre bloc qui débute avec une pièce de Yakuza Heart Attack. Voici Hyper Fun Zone MPS de Mathieu Planchot. Sur ces fous. We'll be right back. sûr reconnu les musiques de The Legend of Zelda. C'était un medley Song of Healing et Lost Woods de The Legend of Zelda Majora's Mask et The Legend of Zelda Ocarina of Time. C'est par le duo de musique de jeux vidéo Frog and Sid qui partagent cette pièce de leur premier album de réarrangement de musique de jeux vidéo qui s'appelle Boss Chamber Music, disponible sur iTunes entre autres pour la modique somme de 10$ américains. Avant ça, on a entendu Narcade avec 27 Summers. Ça, c'est leur album et la pièce Carpet Lava. Donc, c'est la pièce du milieu, plus courte, très très beatée. Et au début du bloc, j'ai adoré Hyper Fun Zone par Yakuza Heart. Absolument fantastique. C'est sur leur album YHA. Non, ça c'est leur initiale, oui. Yakuza Heart Attack. Leur album s'appelle Yakuza Heart Attack 2. Voilà, c'est ce que je cherchais. Toujours Mathieu Planchot, on écoute que de la musique chiptune aujourd'hui. Plus tard, il y aura la compilation du célèbre Smooth McGroove qui reprend de la musique de jeux vidéo à cappella, mais remixée par des gens qui font des choses assez fuckées avec ça. C'est pas mal bon, ça s'en vient plus tard, mais avant ça, un autre bloc de trois pièces. Commençons avec un hommage à Final Fantasy XI. C'est Game Chops, encore une fois, l'étiquette de musique de jeux vidéo. Cette fois-ci, on écoute la pièce Gateway, disponible en téléchargement gratuit. Donc la voici, Final Fantasy 11 MPS, le Mathieu Plancho sur Cifou. We'll be right back. C'était Triple D par Jonathan Gear sur la trame sonore du jeu Owlboy, un jeu d'aventure en 2D composé. La musique par Jonathan Gear, comme j'ai dit, qui a travaillé aussi sur Neon Chrome et Cook, Serve and Delicious. Donc c'est un échantillon de ce jeu qui est sur Bandcamp pour la trame sonore. Donc Owlboy. Juste avant, on a entendu Daisuke Tonamida, qui est une chanson par la légende apparemment du J-pop et du doublage, qu'on appelle Tamura Yakuri. Et au début du bloc, on a entendu une autre pièce de l'étiquette Game Chops. C'était la chanson thème de Play Online Viewer, qui est le logiciel utilisé pour se connecter au serveur de Final Fantasy XI. Donc un mix très chill nommé Gateway, disponible en téléchargement gratuit de Cholo. En allant voir assemblagerequis.com. Bien sûr, tous les liens sont là pour cette émission spéciale du Mathieu Plante Show. On n'écoute que du chiptune, donc de la musique créée à partir de consoles de jeux vidéo ou encore qui rend hommage à des jeux vidéo. On a déjà presque une heure de fait. Dans la deuxième heure, je l'ai dit plusieurs fois, mais ça s'en vient à la musique de Smooth McGroove Remixed 2. On va entendre plein d'hommages à tout plein de jeux comme Street Fighter 2, Undertale, Castlevania, Mario 64, Undertale, j'ai déjà dit, et Pokémon Red and Blue. Avant ça, un autre bloc de musique chiptune classique. Ici, pour commencer, une pièce inspirée par Metroid. Voici Varian Elysian Sky, tout de suite MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. 89 ans. C'est fou. 89.1. Sometimes. C'était la pièce Last Goodbye composée par Toby Fox. C'est la 96e piste de la trame sonore du jeu Undertale. Et cette pièce utilise des échantillons de Hopes and Dreams et de Save the World. Last Goodbye, Undertale. Happy Hardcore Remix. Toujours Mathieu Plante, show spécial chiptune. Avant ça, on a entendu Nights into Dreams. Ça, c'est le jeu avec DM Dokoro et la pièce On the Wings of Dreams, un remix donc de ce jeu classique sur Sega, Nights into Dreams. Et on a débuté avec Metroid, la pièce Elysian Sky, inspirée par Metroid, oui, par l'artiste Varian. C'est pour le 30e anniversaire qu'on avait sorti ça. Le 30e anniversaire, c'était cet automne, je crois, septembre 2016. Voilà, donc, ce que je vous ai promis depuis le début de l'émission, c'est la trame sonore, la compilation Smooth My Groove Remixed 2 par Game Chops et Smooth My Groove, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Smooth My Groove, vous manquez quelque chose. C'est un gars qui fait des chansons, des versions a cappella de trame sonore de jeux vidéo. D'habitude, ça sonne un petit peu comme ceci. YouTube annonce 5 secondes puis ça va être prêt. Un petit exemple de qu'est-ce que ça a l'air d'habitude. C'est plate quand ça fait ça. Ouais. On y arrive. Donc ça, c'est habituellement le son de Smooth My Groove, ici avec la chanson Girl Team A Cappella du jeu Street Fighter 2. On va aller l'entendre en version remixée maintenant parce que l'album comprend 14 pièces. C'est disponible sur iTunes et à plein d'autres endroits, Apple Music, Google Play, Spotify, pas dans l'ordre malheureusement sur Spotify, et YouTube, seulement une dizaine de pièces. C'est la raison pour laquelle on va entendre les pièces dans le désordre aujourd'hui. Par contre, on peut se permettre de commencer par la première pièce et c'est justement celle que je viens de vous faire découvrir en version normale. Donc la voici en version remix, Girls Team, Smooth My Groove Remix 2 au Mathieu Plante Show. Sur C'est Fou. We'll be right back. Trois pièces de la compilation Smooth McGroove Remixed 2. On a terminé avec Dr. Wily du jeu Mega Man 2, composé par FX, en fait remixé par FXA, chanté par Smooth McGroove. On n'a pas les compositeurs de chaque pièce. Avant, c'était Rainbow Road Smooth Mix de Super Mario Kart, remixé par Steven Silo. On a débuté avec Gal's Theme du jeu Street Fighter 2, remixé par Rival. Avec la voix, bien sûr, comme toujours, de Smooth McGroove. On écoute les pièces dans le désordre. Elles sont disponibles sur YouTube. Elles sont disponibles pour achat aussi sur iTunes, dans l'ordre cette fois-là. Le prochain bloc, on entendra entre autres la musique de Earthbound et de Sonic the Hedgehog 2, mais on débute avec une pièce de Pokémon Red and Blue, remixée par Graeme Kraft. Voici Lavender Town. MPS, le Mathieu Plante Show sur CIF. Chemical Plant Zone du jeu Sonic the Hedgehog 2 par Smooth Big Groove, bien sûr, chanté par cet homme et remixé par Joshua Morse. Avant ça, entendu Onet du jeu Earthbound. C'est encore une fois la voix de Smooth Big Groove et remixé par Ben Briggs. Et au début du bloc, Lavender Town du jeu Pokémon Red and Blue avec Grimecraft et Smooth Big Groove. On a entendu donc deux blocs, 6 pièces en tout de cette compilation Smooth Big Groove Remixed 2 de Game Chops. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com et on va entendre les pièces restantes. Il y en a quelques-unes qui nous manquent. J'en ai fait jouer 6 et il y en a 14. Quand faites le calcul vous-même. On fera ça la prochaine fois dans le Mathieu Plante Show. Pour l'instant, par contre, on retourne à du chiptune un petit peu plus normal, entre guillemets, pour le restant de l'émission. On va commencer avec une autre pièce de Street Fighter. On vient d'en entendre dans le précédent bloc. Le premier bloc tout à l'heure, une pièce de Street Fighter 2. Cette fois-ci, une pièce de Street Fighter 1er du nom. Voici donc l'artiste A-Rival. A-Rival, oui. Avec l'extrait... qu'est-ce que c'est? Jury? Je crois, quelque chose comme ça. Bref, on écoute ça et puis on s'en reparle après. C'est au Mathieu Plante Show sur C'est Fou spécial Chiptune. popsicle. Ralphington et la pièce Mimikyu's Song, basée sur Pokémon Sun and Moon Remix. Ralphington, c'est un artiste du remix qui utilise Nintendo 3DS, FL Studio et qui a produit ce remix un petit peu hip-hop, entre guillemets, de la chanson de Mimikyu dans Pokémon Sun and Moon, masterisé par notre ami DJ Cotman au Mathieu Plante Show. Avant ça, on a entendu Baroqueen et Grimecraft avec Mally City de Pokémon Sun and Moon. Là aussi, c'est des vétérans de Game Chops qu'on écoute depuis le début de notre émission. Mally City, qui est la ville principale de l'île de Oula Oula. Mm-hmm. Avant ça, on a entendu Pokémon... Pokébike, oui, de Grimecraft, remix bien sûr de Bicycle de Queen avec de la musique de Pokémon. Avant ça, on a entendu Gears in Motion par Dr. Robotic de Retrograde New Adventures in Chiptune. C'est une compilation que vous pouvez vous procurer sur Bandcamp. Et au début, avant ça, un très très long bloc, oui. C'était Arrival, producteur légendaire, et FGC DJ qui sont de retour avec Game Chops, encore une fois, pour ce remix Electro Techno Trap de la pièce Jury's Theme du jeu Street Fighter 4 et 5. Gros, gros, gros, gros bloc énorme, et c'est là-dessus que se termine cette édition spéciale Chiptune du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis entre 15h et 17h. On rappelle, les jeudis à midi et les mardis à 10h. Et aussi Assemblage Rocky que j'anime avec Tania Baudin du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Et les Paul Maman C'est Fou les mardis de 14h à 17h. Programmation sur cifre.ca. Et les notes de l'émission et les balados sur assemblagerocky.com. On se quitte avec une pièce qui se nomme Forgotten Cemetery par BC Likes You. Automatique s'en vient pour les auditeurs du mercredi. C'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Bye bye.